suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? Tout le monde se lève. Je sote tunaweza kusimama tafadhali. On peut se lever comme des vaillants. Tunaweza kusimama kama washuja. Prie avec moi, dites Seigneur. Omba pamoja nami sema Bwana. Je suis disposé. Niko tayari. Pour avancer avec toi. Kwa kusonga mbele pamoja na. Je suis prêt. Niko tayari. Installe le système Wendoka weke de fonctionnement matumizi relatif et proportionnel inayoambatana à tes attentes na ilo unayongojea sur ma vie juu ya maisha yangu. Seigneur Bwana, je refuse nakataa une vie linéaire maisha kubaki fasi moja. Je refuse nakataa une vie linéaire maisha kubaki fasi moja. Je m'engage et je me lève najitolea na kuinuka pour une vie géométrique kwa ajili ya maisha inayopanda afin que j'accède ili kwamba niweze kufikia à la plénitude kwa utele de toutes tes prévisions ya matayarisho yako sur mon existence juu ya maisha yangu. Je refuse nakataa de quitter ce monde kuondoka duniani comme m'avoir perdu le temps kama vile aliyepoteza muda au nom de Jésus-Christ Saint-Esprit prends mon cœur chukua moyo wangu et façonne-le na wendo ka utengeneze Saint-Esprit Roho Mtakatifu agite mon esprit wendo katikise roho yangu Saint-Esprit Roho Mtakatifu enflamme-moi enflamme mon esprit enflamme mon cœur inscris-moi na wendo katikise dans la génération ndani ya kizazi des vaillants de vaillance au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Fais-le. Tu es venu pour cela. Fais-le pour moi. Éternel, ne me rate pas ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous asseyons devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une génération de vaillance. Kizazi cha ushujaa. Porteuse d'accomplissement. Wanaobeba utimilifu. Vous savez, hier, nous avons vu jana tuliona que porteuse ya kwamba kubeba sous-attend inamaanisha les contenus iliyo ndani mwako ou alors ama ce qui est en nous iliyo ndani mwetu et qui fait que nous soyons capables na inayofanya kwamba tuwe na uwezo de produire des résultats wa kuleta matokeo des accomplissements kuleta matimizi. Vous savez, mnajua, regardons ceci, tuone hii. Nous avons vu tuliona que David ya kwamba Daudi arrivé au champ de bataille amefika kwenye shamba la mapigano. Goliath sorti, Goliath naye akatokea et il refait le même discours comme voici à 40 jours na nafanya hotuba zile zile kama siku 40. Vous rappelez, nous avons vu na mnakumbuka il est écrit imeandikwa et David entendit na Daudi akasikia. Ses frères, l'armée entendait ceci depuis 40 jours. Ndugu zake na jeshi nzima walisikia hii muda wa siku 40. Ça n'a rien produit. Haikuleta kitu. Jusqu'à ce qu'un petit apparaît au champ de bataille. Mpaka wakati kijana atafika kwenye shamba la mapigano. Il attend les mêmes paroles. Na nasikia maneno haya yale yale. De la même bouche. Kutokea kinywa. Même monsieur. Ya ule ule bwana. Et il fait la différence. Na yeye anafanya utofauti. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Ce que nous attendons tunaisikiliza est à grande partie kwa sehemu kubwa dépendant inalingana de ce que nous portons na ile ambayo tunabeba ndani mwetu. Écris ça quelque part. uiandike nafasi fulani. Nous pouvons deux personnes écouter le même message avec la même puissance, avec les mêmes grâces. Watu wawili wanaweza kusikiliza ujumbe moja na neema moja. Na uwezo mais moja. Ce que tu portes dans ton cœur déterminera itaonyesha ce que sera ce message ila ambao itakuwa ujumbe huo pour ta vie. Kwa ajili ya maisha yako. Il y a des jeunes gens kuna vijana qui ne portent rien ambao wabebi kitu ndani mwao dont le cœur porte autre chose. Mioni mwao wanabeba vitu vingine. Un enfant me disait cet avant-midi. Mtoto mmoja aliniambia asubuhi ya leo. Et dit, tu sais papa? Ananiambia unajua baba? Ses amis avec qui on est là. Hawa rafiki ambao tuko nao hapa. Les filles. Wabinti. Elles me disent. Wananiambia que toutes ont des copains. Ya kwamba wote kabisa wanakuwa na sijui kama ni wachumba. Je suis anormal. Na ni warafiki zao ni kusema mimi siko mzima. C'est dangereux pour moi. Na ni hatari kwangu. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Baba nitafanya nini? Connaissez la réponse? Unajua jibu? Qu'est-ce qui est dans le cœur de ces filles? Nini iliyo ndani ya mioyo ya wale mabinti? Elles sont porteuses de quoi? Wanabeba nini? Peut-être c'est ton cas dans cette salle. Yawezekana ni kwa ajili yako ndani ya mkutano huu. Et tu influences ton voisinage? Na uko na shawishi wanaokuzunguka? Pour des trucs de bassesse. Juu ya vitu vya upumbavu. J'ai dit à cet enfant. Nikamwambia ule mtoto. Ce sont les filles. Ni wale mabinti. Qui n'ont pas de vision d'avenir. Ambao wana maono ya ujao. Et dont la vision. Ambao maono yao. Principal. Ambao ni kubwa. Trouver dans un foyer. Ni kujikuta tu ndani ya nyumba. Si ta vision. Kama maono yako. La vision de ta vie. Maono ya maisha yako. C'est de te retrouver dans un foyer. Ni kujikuta tu ndani ya nyumba. Alors tu dois t'agiter. Hapo sasa utakuwa kama vile uko na kimbia kimbia. Ili kwamba. Ça ne rate pas. Usikose. Et tous les coups sont permis. Na yote inayoweza fanyika unaweza kuifanya. Tu te retrouves dans les bras d'un monsieur. Ili kwamba ujikute mikononi mwa bwana mmoja. Même si ce monsieur est vide. Hata kama ule bwana hana kitu ndani mwake. Même si ce monsieur ne va nulle part dans la vie. Hata ule bwana ende nafasi maishani mwake. Tu te retrouveras dans ses bras. Utajikuta mikononi mwake. Et ta destinée va s'arrêter là. Na maisha yako hatima yako itaishia hapo. Écoutez-moi bien. Munisikilize vizuri. Ce que nous prêchons ici tunaihubiria va avoir de l'effet. Inaweza kuwa na ushawishi. À condition que cela trouve. Kama hiyo inapata. Ce que tu portes. Ila ambao unaibeba ndani mwako. Une génération porteuse. Kizazi kinachobeba. Si tu es porteuse. Kama wewe unabeba. De vaillance. Ushujaa. Ce message. Ujumbe huu. Va cliquer. Utagusa. Ce message. Va déclencher utaanza ce message utumbehu, va produire utaleta cette semaine wiki hii 11e édition inakuwa va produire ita moji, parce que va retrouver dans ton cœur sababu itakuta moyoni mwako ce que tu es porteur ila ambao unabeba. Les êtres humains wanadamu qui sont porteurs de méchanceté uovu, lorsqu'ils reçoivent un message tombe dans leur esprit royal, et qui n'a rien à faire avec des opérations de méchanceté, na la kufanya pamoja na ile matendo yao cet être humain reste insensible. Ule mwanadamu atakuwa hajali. Si tu es un jeune homme kama wewe ni kijana, et ton cœur est porteur de ministère, servir Dieu, unabeba huduma kumtumikia Mungu, et que tu écoutes la voix de Dieu du haut de la chair, na unasikia sauti ya Mungu kwenye madhabahu, ça fait vibrer, unasikia kama moyoni mwako kabisa unachamuka. Si tu es porteur d'impudicité, kama wewe unabeba usinifu, et et qu'une fille, une sœur ici dans la salle, na kwamba binti moja marche, hapa ndani ya mkutano anatembea, elle marche, anatembea. Tu es porteur, ton cœur est porteur d'impudicité. Moyo wako unabeba uzinifu. Juste la démarche de la sœur. Kutembea tu kwa huyu dada. Clique dans ton cœur. Unagusa moyoni mwako. Et tu commences à naviguer dans ton esprit. Na unaanza kuogelea ndani ya moyo roho yako. Et tu te retrouves quelque part. Na unajikuta le message tu l'écoutes même plus. Na ujumbe hautausikiliza tena. Pose la question à ton voisin. Ulize jirani yako. Tu es porteur de quoi? Wewe unabeba nini? Pourquoi ce ne sont que des choses bizarres? Sababu qui ébranle ton cœur. Ni vitu tu vya ovyo ni qui intéresse ton cœur. Ndivyo ambavyo vinafurahisha moyo wako. Tu as besoin de délivrance. Unahitaji ufungulivu. Dans une réunion des parents et jeunesse ici. Ndani ya mkutano moja wa wazazi. Wazazi na vijana kulikuwa swali moja ambayo iliulizwa. Pourquoi nos parents sababu gani wazazi wetu ne nous aident pas hawatusaidie à bien nous habiller kuvaa vizuri. En fait c'était comme ceci. Pourquoi vous les enfants vous êtes mal habillés? Ilikuwa hivi sababu gani ni watoto mnavaa vibaya? Répondit ici na mwanamke mmoja mtoto akatujibu hapa. C'est quoi? C'était une fille. Ilikuwa binti. Nos mamans wanasema wa ne nous aident plus hawatusaidie tena. À avoir le sens de la décence. Ce sont nos mamans qui nous achètent des habits. Ni wa mama zetu ndio wanatununulia mavazi. Maintenant, maman, pourquoi tu achètes ce genre d'habits à ta fille? Sasa mama, sababu gani unanunua mavazi aina hiyo kwa binti wako? Maman, tu es porteuse de quoi? Mama, unabeba nini? Tu es porteuse de quoi? Unabeba nini? La Bible dit, Biblia nasema, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ndipo kinywa kinasema. C'est de l'abondance, c'est ce que nous portons, kwa kujaa, kwa ila que notre bouche ndipo kinywa chetu va parler, kinaweza kusema, que nos mains mikono yetu vont agir, itaweza kutenda, que nos actions matendo yetu vont ressembler. Yataweza kufanana. Si l'abondance de notre cœur, kama utele, ama ujazo wa moyo wetu, c'est de la frivolité, ni upumbafu. C'est de la bassesse. Ni ujinga. C'est de la misère intérieure. Ni mateso ya ndani. Même quand on t'exposerait hata wakati watakuweka à de grandes opportunités de gloire pour ta vie, kubwa ya utukufu, tu ne percevras pas ça. Hautaweza kuiona. Pasteur José nous a donné l'exemple d'une dame. Mchungaji Rosetta ametupatia ou d'un monsieur, je crois, à Kisangani. Wa bwana mmoja Kisangani. Dont le salaire a augmenté à 150 dollars. Ambaye mshahara wako ulipanda kwa dola 150. Vous vous rappelez de cet exemple nous a donné ici? Mnakumbuka ile histoire alitupatia hapa? Il touchait, je crois, 100 dollars ou 70 ou quoi. Ok, il touchait 100 dollars, on lui ajoutait 50 dollars. Mshahara wake ulikuwa dola 150. Il vient à la maison et dit à sa femme, c'est pas un jeune homme, c'est un papa adulte. Haiko kijana, ni mwanaume mzima mshamuka. Il dit à sa femme, anaambia mke wake, tumebarikiwa. Nusombeni. C'est quoi? Ni nini? Le salaire a augmenté. Mshahara umepanda. Alors tu vois, madame, ça sonne on a tout cet argent ici. Il pèse sa zote. Tu ne sauras plus terminer ça toi seul. Oh, mwenye wa wezi kusimaliza. Il faut que je prenne une deuxième femme. Inomba nichukua parce que il faut que vous soyez en deux. Sababu inomba muwe wawili. Pour pouvoir se il terminer tout cet argent. Mweze kumaliza hizi pesa zote. Et la maman qui était adulte et connaissait son mari s'est dit, je ne peux pas refuser, sinon c'est moi qui suis viré. Quelqu'un d'autre va manger ça. Elle a accepté. Et monsieur a pris notre femme à amener à la maison. Pour qu'on soit capable de terminer 150 dollars par mois. Ok, ce papa est porteur de quoi dans son cœur? Écoutez, jeunesse de l'Arche. Jeunesse de Goma. Jeunesse de ma génération. Il est temps cette semaine que tu vérifies. Tu es porteur de quoi? Kuna ton cœur, il y a quoi dedans? Kuna nini humo ndani? Ceci est déterminant pour les heures, les jours, les mois et les années de ta vie. Dans une seconde, tu peux gâcher à cause de ce que ton cœur est porteur. Tu peux gâcher ta destinée. Tu peux tout perdre. Ton grand ennemi, c'est ce que ton cœur porte. Ton grand ami ou ton grand bénisseur. C'est lui qui peut beaucoup te bénir. C'est ce que tu portes dans ton cœur. Si tu portes des bonnes choses, les bonnes choses vont te propulser dans la vie. Si tu portes des bêtises, ces bêtises vont t'enterrer. Et tu vas même perdre. La Bible dit, et on notera même ce que tu crois avoir. Tu crois être belle, non? À cause de la bêtise dans le cœur, tu vas perdre même la beauté. Parce que tu vas te retrouver dans les bras des messieurs de bassesse. À cause des efforts que tu as reçus chez des amis, chez des copines, qui t'ont dit, kujisaidia kusudi usipoteze ni mubale ba frère njo mtu ajuake. C'est au milieu de ces frères là. Posez la question à cette fille qui pose cette question. Ulisa swali kwa ule binti. Tu as déjà eu combien de copains? Muulize umesha kupata marafiki ngapi? Posez-lui la question. Muulize swali. C'est le premier copain qui t'a épousé? Ni rafiki yako wa kwanza mwanaume ndiye alikuoa? Yonja onja. Konja onja tu. Essaye ça. Pima. Tu vas goûter à tout le monde. Uta onja kila mtu. Et à la fin, na kwa mwisho, tu vas rester là. Uta baki hapo. Parce que finalement aussi tout le monde saura que tout le monde a déjà goûté. Sababu kwa mwisho kila mtu atajua kwamba kila mtu ameza. Et qui va rester avec ce qui a été goûté par tout le monde? Nani atabakia na ule ambaye ameshaonjewa na watu wote? Nani ambaye atamchunga atabakia naye? Je parle à un jeune. Naongea na kijana. Si mbona mnanyamaza, si mseme amen. Dit amen. Alléluia. Amen. Une génération porteuse. Kizazi kinachobeba. Des vaillances. Ushuja. Des vaillances. Ushuja. Je vais préciser une chose ici. Hapa nitasema kitu fulani nitatilia mkazo. La vaillance ushuja n'est pas ce que vous croirez. Ila mbao mungeweza kufikiria. Une force musculaire. Kukuwa na nguvu kabisa. Je vais commencer le sport qui gonfle les muscles. Nitaanza kufanya mazoezi ambayo itafanya kwamba mishipa yangu kuwe kabisa na nguvu. Il y a des gens vaillants. Kuna watu washujaa. Qui sont chétifs. Ambao wanakonda. Comme mon fils ici. Kama mwanangu hapa. La vaillance, ushuja, c'est une affaire de cœur. Ni kitu cha moyo. Le sage dit, na mwenye hekima na prends soin de ton cœur. Linda sana moyo wako. Plus que toute autre chose. Liko mambo yote. Parce que de lui sababu ndani vient mate, les sources de la unatokea temitemi za uzima. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu essaie de vous dire? Il dit ceci. Dans le cœur là, ndani ya moyo huo, il sort les mauvaises choses comme les bonnes choses. Unatokea vitu vizuri na vitu dans ce cœur là, lakini ndani ya moyo huo, il sort votre malheur. Munatokea ole yenu. Mais dans ce cœur là peut sortir votre bonheur, votre victoire, votre succès dans la vie, sortir vos accomplissements, vos résultats. Quel bonheur quand on va dans la tombe et qu'on a laissé sur la terre des multitudes d'accomplissements. Pourquoi 2021, Seigneur? Sababu gani mwaka 2021? Tu veux quoi, Seigneur? Unahitaji nini, Bwana? Vous savez, unajua, nous n'avons pas 1000 ans sur la terre. Hatuna miaka elfu hapa. Même Adam n'a pas fait 1000 ans sur la terre. Hata Adamu hakufanya miaka elfu duniani. Et puis est venu un temps na kisa où Dieu a dit, vous ne vivrez plus plus de 80 ans, les plus vigoureux 80 ans, ça veut dire nikusema, les temps que nous avons sur la terre est court. Et Paul l'a dit, le temps est court. Na Paulo alisema, muda ni et il dit, il est temps de vivre avec circonspection. Anasema, ni wakati sasa wa kuishi parce na que wakalifu. Le temps est court. Sababu muda ni mfupi. C'est dans ce temps court ni ndani ya muda mfupi qu'on doit laisser des accomplissements. Ndipo unapasa kuacha mambo takayo ya cessez de vivre comme dans l'éternité. Achende kuishi kama muko ndani ya umilele. Qui est éternel dans cette salle? Nani aliye wa milele hapa ndani ya mkutano? Duniani hapa. Nous n'avons pas tout le temps sur la terre. Hatuna muda wote hapa duniani. Nous devons avoir des accomplissements. Na seti tufanye les mambo. Accomplissements sont avantageux matinini dans la vie d'une personne. Ni faida ndani ya maisha mtu. Je vous avais dit que la vie de l'homme a quatre phases. Niliwaambia kwamba maisha ya mtu inakuwa na sehemu nne. Et je vous avais dit la quatrième phase c'est la phase des fleurs ou des regrets. Na niliwaambia kwamba sehemu ya mwisho ile aina inakuwa ni sehemu ama ya kujuta ama ya maua. 45 à 60. Inakuwa ni kuanzia miaka 45 hadi 60 na zaidi. Ce qui au produit des accomplissements mambo dans leur âge de vie, de vigueur, de force. Ya umri wao quand wa ils mtuku, atteignent 45 ans, ils naviguent dans les fleurs. Sasa ndani ya maua. Ils sont dans les fleurs. Wako ndani ya maua. La vie est wow. Maisha ni mazuri. Ceux qui ont joué avec chaque heure et minute de leur vie. Quand ils atteignent 45 et au-delà, ça devient l'âge de vitesse. C'est l'âge de vitesse. Ils se rendent compte qu'on a tout perdu le temps. Il faut réussir tout de suite et à tous les prix. C'est comme ça qu'ils vont dans l'occultisme. Et ils vont chez Dragon. Parce qu'ils se rendent compte qu'il faut faire vite. Mieux vaut comprendre qu'il faut faire vite quand vous êtes encore jeune que de comprendre qu'il faut faire vite quand vous aurez 60 ans. Un homme de 60 ans, quand il aurait toute la volonté du monde pour faire vite, c'est difficile. Difficile. Le corps ne répond plus. L'environnement ne répond plus. Sa descendance est compliquée. La vie est compliquée. Même quand il essaierait de faire vite, c'est un peu tard. Dites à ton voisin, pour toi, ce n'est pas encore tard. Vous savez, dans ce monde, on dit mieux vaut tard que jamais. Ni heri kuchelewa kuliko kutofanya kitu. Sio hivyo? N'est-ce pas? Sio hivyo? Mieux vaut tard que jamais. Ni heri kuchelewa kuliko kutofanya kitu. Una miaka 60. Et tu rassembles toutes les énergies que tu pouvais rassembler depuis ta jeunesse. Na unakusanya nguvu zote et tu commences à réussir quelque chose. Première difficulté. Shida ya kwanza. Tu n'es plus capable d'en jouir. Hauna tena uwezo wa kuifurahia. Va kuchomeka kanyama pale. Kula sasa. Congri seulement de la viande pour toi là-bas. Kula kanyama. Utakula sasa. Est-ce que tu sauras manger? C'est pas bon pour toi. Ton âge là, il faut pas kanyama, il faut faire attention. Haiko tena mzuri kwako sababu kwa miaka yako inaomba kufanya ngalisho na nyama. Va kujengea étage. Quand tu bâtis une maison en étage. Ooh. Wow. Ha. Chambre yako ile huko? Ta chambre est là. Panda sasa. Au dernier niveau, maintenant il faut monter. Hakuna ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Mais si tu es jeune. Lakini kama uko et comme je n'ai étage. Et puis tu as construit une maison en étage. Tu montes. Ça fait partie de ton sport. Na hiyo ni quotidien. Mojawapo wa mazoezi yako kwa kila siku. Mais tu as 65 ans, monte maintenant. Lakini una miaka 65, panda. Magoti na kata. les genoux ne répondent plus. Tu aurais dû réussir à temps. Dis à ton voisin, tu aurais dû réussir à temps. Fais vite. Ça, ce n'est qu'un méfait de réussir en retard. Donc, mes jeunes gens, vijana, réussissons à temps. Tufaulu kwa muda. Que Dieu te donne de réussir à partir. Acha Mungu akupatie kufaulu kuanzia sasa. Mais pour réussir en question, lakini ili ufaulu, ça part de ce dont tu es porteur. Dites porteur. Sema kubeba, mbebaji. Tu es porteur de quoi? Unabeba nini? Nous avons vu hier tuliona jana le premier indicateur de David. Alama ya kwanza ya Daudi. La vaillance, ushuja, dans la gestion et la protection de l'économie de son père. Ndani ya kuchunga. Qui était là hier? Ndani ya kuchunga mali ya baba yake. Nani alikuwa jana? Tu es là, non, rentre pas dedans. Ni kusema tutarudi humo ndani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que David a compris qu'il avait beaucoup il avait moins d'avantages. Na tuliona ya kwamba Daudi alielewa ya kwamba hana faida nyingi. Il avait moins de faveurs. Alikuwa hana vibali nyingi. Mais il a réussi. Lakini alifaulu. Et nous avons vu hier. Na tuliona jana. Que ce n'est pas le fait ya kwamba haiko d'être défavorisé. Haiko ile kukosa qui est une vibali raison ndiyo de rester dans un coin sous un arbre en train de pleurer. Ya kubaki chini ya mti ukilia. Sors de l'arbre. Ondoka chini ya mti. Va. Wende. Travaille sur toi-même. Wende katumike tu yako mwenyewe. Et quand tu finis de travailler sur toi-même. Na unapomaliza kutumika. Travaille sur toi-même. Kazi tu yako mwenyewe. Va produire des résultats. Dans les conditions où tu es. Et ça va te sortir de ces conditions. Avec gloire. Comme David. Dieu est venu le chercher dans la brousse. Pour l'élever roi. De toute une nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième indicateur. La vaillance. Ushuja. Des tombeurs de géants. Ndani ya kuangusha majitu. Il y a beaucoup de géants dans la vie. Kuna majitu wengi maisha. Il y a beaucoup de géants dans la vie d'une personne. Kuna majitu mengi ndani ya maisha mtu. Pour certains, les géants de sa vie, jitu wa maisha yake, c'est l'environnement familial. Ni mazingara ya jamii yako. C'est-à-dire tu es né dans une famille compliquée. Ni kusema umezaliwa ndani ya jamaa ngumu. Ta propre famille c'est un problème pour jamaa toi. Jamaa yako wao mwenyewe ni shida. Parents ivrognes, wazazi walevi, on l'amène sur une brouette, wanamurudisha nyuma kwenye brouette, kunyumba kwenye brouette. Vous avez déjà vu ça? Umeshaona hiyo? Quand tu essaies de parler à ton père, unapoongea na baba yako, dis papa, baba, tu vois pas que tu nous fais honte dans la vie? Yaone kama unatupatisha haya. Ilitoka pale, mimi nazaliwa hii masiku mwee. Vous êtes né aujourd'hui. Lui, il est déjà foutu. Yeah, kabisa, mais toi, maintenant, tu dois étudier. Sasa, wewe unapaswa kusoma. Et ses parents-là, lakini ule mzazi, il est foutu. Kabisa, c'est un géant devant toi. Ni jitu mbele zako. Qu'est-ce que tu fais? Utafanya nini? Dans le passé, ndani ya wakati, lorsque nous sommes, l'Église a déménagé à l'Afrique après le volcan en 2002. Wakati kanisa lilamia pa ila Afrika kisha volcano kwa mwaka 2000. J'ai observé ceci. Nili chunguza hii. J'étais tout le temps en retraite à jeune à l'église. Kila mara nilikuwa kwenye mafungo kanisani. C'était un chantier. Ilikuwa ni jengo. Et entouré de la lave. Na ilikuwa nazungukwa na mawe ya volcano. Et chaque matin, na kila asubuhi, quand je me levais, nilipokuwa nikiamka, priais dans le temple. Nikiomba ndani ya kanisa. Et à la fenêtre je voyais derrière. Kwenye dirisha niliona nyuma des jeunes filles, wabinti wadogo, des écolières en uniforme, wanaosoma wanafunzi, qui avant d'aller à l'école, ambao mbele ya kwenda shuleni, venaient là dans la lave, walikuja hapo ndani ya mawe, collectaient les petites pierres et faisaient des tas, na walikuwa wanaogota mawe kidogo kidogo na wanafanya furushi ndani ya mfuko, na walikuja kila siku. Je me suis dit, je vais me renseigner, na nikasema nitauliza le tas là de makokoto. Kale kamfuko kama kokoto ambacho ambako mnakusanya. Ça coûte quoi? Quand j'ai demandé le prix, j'ai constaté ceci. Cet enfant, c'est pas de deuxième ou troisième primaire, pouvait se payer ses frais scolaires. Angepaswa kujilipia pesa ya masomo. Petite, tu fais ça pourquoi? Unafanya nini? Probablement les parents ne sont pas là où ils sont morts ou ainsi de suite. Yawezekana wazazi ya wako wamekufa ama kadhalika. Il y a un choix. Sasa hapa nomba si kuchabu. Je vais sur la rue, nikienda kubarabara, comme les autres maibobo, kama wa maibobo wengine, je tends la main, nanyosha mkono, on peut déposer quelques francs dedans. Wanaweza kunipatia pesa kidogo. Mais ça, lakini hapa, je ne suis pas porteur de ce genre de choses. Sibebi vitu kama na hivi. Je suis porteuse de vaillance. Lakini ninabeba ushujaa. Si je me réveille à 5 heures, nikiamka pa saa 11 za asubuhi, je ramasse quelques pierres. Ninaogota makokoto kidogo. 5 heures à 6 heures, kuanzia saa 11 hadi saa 12 za asubuhi, je me lave tôt, je porte l'uniforme, je vais. Je ramasse mbio na va mavazi ya shule, je dépose, je laisse là. Na kisa na demain je viens, j'ajoute. Kesho nakuja na ongeza. Bientôt ça sera une benne. Hapa karibuni itakuwa gari nzima. Et la benne coûte $100. Na magari ya makokoto na alors que le minerval coûte $30. Ijapokuwa pesa za shule inawezekana ni dola makumi tatu. Par trimestre. Kwa miezi tatu. Demande à ton voisin. Toi, tu es porteur de quoi? Uliza jirani yako, wewe unabeba nini? Muro yako mnakuwa bia yi. Dans ton cœur, il y a quoi? Roya kuko mbia je. Quels sont les genres de choses qu'il y a dans ton cœur? Nous sommes pénalisés, nous sommes défavorisés. Tu vois, moi, je ne peux pas. Tu vois, moi, attention. Angalisho. Ça, ce n'est pas la génération des vaillances. Si, la génération des vaillances ne dit jamais je ne peux rien, je ne peux pas, parce que non. La génération des vaillances dit j'accepte où je suis. Et de là où je suis, je décolle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je suis venu prier Dieu pour toi, afin que Dieu dépose cette réalité dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, tu vas sortir de ces lieux, changer en un autre homme. Changer en un autre homme. Kubadilishwa kuwa mtu mwingine. À quoi ça sert la vie? Inafalia nini maisha? Si j'ai été défavorisé. Kama mimi sikupewa vibali. Deuxième indicateur, disais-je. Kitu cha pili nilikuwa nikisema. Ce garçon était tombeur des géants. Ukijana huyu anaanguka. Il y a des géants dans notre vie. Il y a des géants dans notre existence. Kuna majitu ndani ya maisha yetu. Certains pour certains, les géants de ta vie. Il y a un quotient intellectuel, il y a chini. Unakuwa na uwezo wa akili kidogo. Kwa nini wewe hauwezaki kumasomo? Pourquoi toi tu ne réussis pas à l'école? Nilienda pimisha quotient intellectuel yangu, bali sema mimi sina quotient intellectuel ya mingi. Donc mimi ndakwaka tu sentinelle. Je suis parti faire les tests de mon quotient intellectuel, on m'a dit que je n'ai pas un quotient intellectuel élevé. Ndakwa tu sentinelle. Qui t'a dit ça? Nani amekwambia hivyo? Laissez-moi vous dire, frère. Ataniwaambie ndio. On ne réussit pas dans la vie grâce au quotient intellectuel. Haufaulu maishani sababu ya uwezo wa akili yako. Les gens qui sont géants dans la vie que vous connaissez. Watu walio majitu maishani mnaowajua. N'ont pas un grand quotient intellectuel. Haiko kusema walikuwa na akili kubwa. Mais c'est des personnes qui ont développé les cœurs des vaillants. Lakini ni watu ambao wamekamalisha moyo wa ushujaa. Si celui qui a EQI élevé peut juste faire une lecture de ce cours et il a retenu des choses. Kama ule ambaye anakuwa na akili kubwa anaweza tu kusoma. Moi je n'en ai pas. Mambo, lakini mimi je vais lire comme je suis vaillant. Nitasoma avec ma vaillance. Je vais lire 10 fois. Nitasoma mara 10. Et j'ai retenu des choses essentielles. Na nitashika vitu vya. Nous allons tous les deux à l'examen. Na sisi wawili tutaenda kwenye mtihani. Celui qui a un grand quotient intellectuel. Anayekuwa na akili kubwa. Était négligent. Ils sont généralement négligés, ils disent. C'est facile, ça va marcher. Mais juste là-bas, tu vas voir comment je vais maxer. Moi, je suis sérieux. Quand j'entre en classe, je tremble. Je suis sérieux. Je ne triche pas. Vous avez lu dans les internets, Bill Gates, il a échoué combien de fois? Il a eu quel diplôme de licence ou de maîtrise ou de doctorat? C'était un étudiant kukamatisha. Mais c'est lui qui dirige le monde aujourd'hui. Kukosia intellectuel gani ça? Na akili ya shuleni ya pata ngapi? Écoutez-moi. Unisikilize. Pour les Eliab et toute l'armée, kwa ajili ya Eliab na Goliath, c'était un géant. Goliath ilikuwa ni jitu. Donc, les géants, ce n'est pas cet homme qui est debout là-bas. Ni kusema jitu haiko ule mtu anayesimama pale. Les géants, jitu, c'est ce qui est en toi, c'est ta manière de voir les choses. Ile ambayo iko ndani mwako, ile aina yako ya kuona mambo. David dit. Daudi anasema. Qu'est-ce qui se passe ici? Nini na pitikana hapa? On dit il y a un monsieur là, il nous terrorise. Kuna bwana hapa anatuogopesha. Et dit moi je vais l'abattre. Anasema mimi nitamwangusha. Donc pour toi c'est pas un géant. Ni kusema kwako haiko jitu. C'est qui est géant pour grand frère Eliab? Ile ambayo ni jitu kwa mkubwa Eliab. N'est pas géant pour petit David. Haiko jitu kwa mdogo Daudi. C'est-à-dire ni kusema ta conception, mtazamo, ton regard sur les problèmes. Mtazamo wako mbele ya shida. C'est ça qu'il faut résoudre. Ni hiyo ndio naomba utatue. Jeune homme, écoute-moi. Kijana nisikilize. Les problèmes de ta vie là. Matatizo ya maisha yako hiyo. C'est extérieur à toi. Inakuwa nje yako. Mais ça peut devenir des géants. Lakini naweza kuwa majitu. Si tu ne règles pas la question à l'intérieur de toi-même. Kama hautatue ile swali ndani mwako. Il suffit de régler la question là-dedans toi-même. Et les géants, ils mesuraient 2 mètres quelque chose, ou 3 mètres. Ce qui est géant là, tu vas le voir comme un circoncis. Ouais. Je vais te couper la tête, toi. D'ailleurs, toi et tous les Philistins qui sont ici. Tu es géant là. On croit que tu es géant. Mimi, niko nakumaliza sahi. On a tant mumaliza na nini. Nakalijiwe. Tu vas le terminer nakalijiwe. Avec une pierre. Saül lui donne sa lance. David je me bats avec les géants, avec les cailloux. Pourquoi? Sababu gani? Ce sont les cailloux que je suis capable d'avoir. Sababu ni mawe ndio naweza kuyapata. Vous pouvez aller acheter les lances, aller tout ça, ça coûte cher. Moi, je suis berger, je n'ai même pas d'argent, je ne peux même pas vendre une brebis de papa pour acheter une lance. Ce qui est accessible pour moi, c'est aller dans la rivière et je ramasse. Il n'avait même pas une épée pour déchirer les lions et l'ours. Kwa ajili ya kupasua dubu na simba. Qu'est-ce que tu as à la main, David? Comment tu fais avec les géants lions? Unafanya nini na jitu, les géants ours. Jitu, dubu. Il dit, je fais avec les moyens de bord. Anasema, anafanyisha na quels sont les moyens de bord que tu as? Mes mains. Mikono yangu. Mes muscles. Nguvu zangu. C'est ce qui est à ma disposition. Na ni hiyo ndio ninakuwa nayo. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu as à ta disposition? Nini unayokuwa nayo mikononi mwako? Tu as quoi? Una nini? C'est avec ça. Ni pamoja na hiyo. Et ce que tu portes, na ile unayoibeba, que tu vas descendre Goliath. Ndipo utamwangusha ule Goliath. David, Daoudi, était un homme de même nature que nous. Alikuwa mtu kama sisi. Il est né d'une femme. Toi, tu es né d'une femme. Amezaliwa na mwanamke na wewe umezaliwa na mwanamke. C'est un jeune homme. Ni kijana. Il est devenu papa. Amekuwa baba. Mais c'est un humain. Lakini ni mwanadamu. Mais il a réussi à récupérer les leçons de la vaillance. Lakini ameweza kuchukua masomo ya ushujaa. Les leçons de la vaillance. Mafundisho ya ushujaa. Il les a installés en lui comme système de fonctionnement. Na kaiweka ndani mwake kama vile aina ya mitumikio ndani mwake. Et aujourd'hui on parle de lui. Na leo wanamuongelea. On peut acclamer David. Unaweza kumshangilia Daudi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. David les a entendus et cela tomba dans un cœur porteur de vaillance. Daudi akaisikia na hiyo kanguka ndani ya moyo unaobeba ushujaa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 1 Samuel 17:32, David dit à Saül. Samueli wa kwanza 17:32, Daudi anamwambia Saulo. Que personne ne se décourage. Pasiwe na mtu atakayevunjika moyo. À cause de ces Philistins. Sababu ya huyu Mfilistini. Ton serviteur. Mtumishi wako. Ira se battre avec lui. Atenda kupigana pamoja naye. Deviens David mon frère. Ukuwe Daudi ndugu yangu. Ukuwe uranko. Je, unaweza kuelewa? Huyo kijana huyo. Il parle au roi. Na ongea na mfalme. Tu comprends ce que tu dis? Nous ça fait 40 jours on est ici. Wewe kijana, je, unaelewa unaosema ni miaka siku makubwa. Le jeune homme dit au roi chef de l'armée. Kijana anamwambia mfalme mkubwa wa jeshi. Calmez-vous. Kimya. Ça fait 40 jours on pas pu se calmer. Ni siku 40. Calmez-vous. Oh, mulinde kimya pale. Ton serviteur. Mtumishi wako. Ira se battre avec lui. Atenda kupigana na yeye. Tu peux dire à ton voisin, calme-toi, je vais me battre avec le neto géant là. Unaweza ambia jirani yako, linda kimya, nitenda pigana na ule jitu wako. Calme-toi. Linda kimya. Tulia. Le Dieu est là. Il va se lever, il va se battre avec Goliath. Atasimama na tapigana na Goliath. Si tu as compris, kama umeelewa, que le géant ya kwamba n'est pas celui que tu vois là en dehors de toi-même. Haiko ule ambao unaona mbele yako nje ya wewe mwenyewe. Tu as résolu le problème. Umetatua shida zamani. À partir de ce que tu es, kuanzia ile ambao uko, ile ambao uko nayo. Tu vas résoudre tous les problèmes de ta vie. Utatatua shida. Tu vas abattre tous les géants de ta vie. Utawaangusha majitu wote wa maisha yako. Et correctement. Na vizuri kabisa. Avec intégrité. Pamoja na ukamilifu. Avec éthique. Pamoja na usawa. La vaillance. Ushujaa. N'est pas la folie de la puissance. Haiko ile ujinga wa uwezo. C'est-à-dire je suis vaillant. Ni kusema mimi ni shujaa. Mtu apime. Que quelqu'un ose. Tu es prêt à cogner sur tout ce qui bouge. Uko tayari kabisa parce que tu as des muscles. Ça n'a rien à faire avec la vaillance. Haiko ile ndio ushujaa. Que Dieu vous aide. Acha Mungu awasaidie. Et David dit au verset 36, il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, c'est-à-dire l'ours et le lion, car ces gars ici, il a insulté les troupes du Dieu vivant. 48, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Tu cours, petit garçon. Unakimbia, et je cours. Anasema ndio nakimbia. 49, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, et la lança avec sa fronde, et frappa le Philistin au front, et le transperça, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba, le visage contre terre. Verset 51, il se saisit de son épée, de l'épée du géant, et il tira de son fourreau, du fourreau du géant, et les tua, et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant leur héros mort, prirent la fuite. Chapitre 18, verset 5. Kumi na nane mustari wake wa tano. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Na Daudi alikuwa na faulu mahali pote ambapo Saulu alimtuma na Saulu akamweka kuwa msimamizi wa watu wa vita. Militaire. Huu kijana huu akufanya mazoezi ya vita. Saul le mis à la tête des gens de guerre. Lakini Saulu akamweka kuwasimamia watu wa kupiga vita. Écoutez, ton cœur de vaillance peut t'amener loin. Sikia, moyo wako usujua unaweza kupeleka mbali. President. Kuya. Vous voyez le président. Si mnaona mkurugenzi hapa. Muangalie yeye bien. Est-ce que vous avez ma muscle huyu? Ma muscle quoi? Hata uko hapo. Je, mnaona mwili na vimba? Excusez-moi madame. Agusa kwa watu. Écoutez-moi. Mnisikilize. Muscle haziko. Havime huko. Mais il a la vaillance là-dedans. Lakini ana ushujaa humo ndani. Si tu te joins à ses frères. Kama unaungana na wao. Tu es jeune ici. Uko kijana hapa. Vous allez changer cette ville de Goma. Mutabadilisha hii mji wa Goma. Vous allez bouleverser cette ville. Mutapindua hii mji wa Goma hii. Je vous assure. Ninawahakikishia. Qui sent qu'il veut entrer dans cette équipe-là? Nani anasikia na kwamba anatamani kuingia ndani ya hii vaillance. Timu ya ushujaa. Akuye hapa tuombe sahi. Qu'il vienne ici, on va prier. Tu veux te joindre à cet homme? Unapenda kuungana na huyu mtu unasema mimi naingia. Moi j'entre dedans. Mimi naingia. J'entre dedans. Kuya, tuombe. Nous allons prier. Kuya tuombe sahi. Viens prier, on va prier. On va continuer le message après. Tutaendelea na ujumbe baadaye. Tosha hii bikapo hapa. Oui, mais les vaillants ne marchent pas comme ça. Courez. Kimbieni. David courut. Daoudia kakimbia. On a kuya na uvivu hivi wewe uko unabeba nini? Mbona uko muvivu sana hivi? Prier. Tunatamani kuomba. Président, tu lèves les mains. Tu pries pour eux en fait. Et moi j'ai prié pour toi. Nous prions. Tunaomba. Levez vos mains. Munyoshe mikono yenu. Un jour, siku moja, Dieu dit, Mungu akasema, à Moïse, akamwambia Musa, rassemble quelques responsables, kusanya viongozi, et transmets l'esprit qui est sur toi. Na wende ukawapatie roho sur chacun d'entre eux. Juu ya kila mmoja wao. Et Moïse le fit. Na Musa akaifanya. Il rassembla akakusanya les responsables des familles. Wa viongozi, et il transmit l'esprit qui était sur lui. Na akawapatia roho aliyekuwa. Et il y a quelques-uns qui était absent à la réunion. Ils étaient dans les champs. Ce que Moïse faisait à ces lieux a atteint ces hommes qui étaient dans les champs. Ils ont commencé à prophétiser là au champ. Ce que Dieu est en train de faire maintenant. Père céleste, dans le nom de Jésus, tu as aimé travailler avec les jeunes. Umependa kutumika pamoja na vijana. Tu appelas Jérémie, c'était un jeune homme. Uliongea na Yeremia, alikuwa ni kijana. Tu appelas Ezra, c'était un jeune homme. Nehemia, un jeune homme. Ezra, Nehemia. Daniel, un jeune homme. David, un jeune homme. Daudi, ni kijana. Esaïe, un jeune homme. Isaya, ni kijana. Ruth, une jeune dame. Ruta, anakuwa ni kijana mstari. Deborah. Depuis sa jeunesse. Tangu ujana wake. Oh Dieu, et Mungu, ce soir, dans le nom de Jésus, je prie que les cœurs de vaillance, les arts de vaillance soient communiqués à ton fils et à tes fils et à tes filles. Na binti wako. Maintenant. Sasa. Ika bayashobe la chine. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Transmets, Seigneur, de ton esprit maintenant. Si tes fils et tes filles, ce soir, au nom de Jésus-Christ, ce soir, au nom de Jésus, maintenant, recevez les arts de vaillance, recevez la puissance de vaillance, recevez la puissance et l'esprit. La puissance et l'esprit, au nom de Jésus. Oshinta la bagasa ya kanda ya masita kushe pala kushe pala za siketa kushe pala kona da da da da in the mighty name of Jesus, Lord, libère tes grâces, libère ta puissance, libère la force intérieure, libère les armes de puissance, les arts de vaillance, libère, libère, libère. Ikabada oche kalagaide. Meke manadasi. Ike ribola sumaga. Iria dadahu ribala shekri rabasaka. Avec moi, dites Seigneur, dites Seigneur Jésus, je le reçois, je le reçois, l'esprit de vaillance, je le reçois, je le reçois, je le reçois, je le reçois, je le reçois, je le reçois, au nom de Jésus, roi de gloire, fais ton entrée dans ces cœurs, roi puissant. Le Seigneur des Seigneurs, tu es descendu vaillamment sur la terre, tu es monté vaillamment à Golgotha, tu es sorti du tombeau, tu es monté vaillamment auprès du Père pour donner rapport. Merci Jésus. Asante Yesu. Accomplis tes œuvres. Wendo katimize matendo yako. À partir de ce moment. Kuanzia wakati huu. Et que chacun de ceux-ci. Na kila moja wa hawa. Soit révolutionné. Aenda kapinduliwe. Pour la suite de sa destinée. Ndani ya hatima yake inayofuata. Aussi pour la suite de son ministère. Ndani ya kufuata kwa huduma wake. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Priez avec moi. Dites Seigneur Jésus. Mbeni nami semeni Bwana Yesu. Je prends l'engagement. Nachukua uanzi. De te servir wakukutumikia avec vaillance, pamoja na usujia, loin de moi, mbali nami, la négligence, dharau, la bassesse, upumbavu, l'immoralité, upumbavu, au nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu Kristo, loin de moi, mbali nami, la paresse, la paresse, uvivu, loin de moi, mbali nami, le sommeil spirituel, usikizi, loin de moi, mbali nami, la négligence, kuzarau, loin de moi, mbali nami, les actes insensés. Matendo ya ujinga. À partir de maintenant, tu te réjouiras de ma destinée. Juu ya hatima yangu. Seigneur, Bwana, viens récolter dans ma vie. Joe, vune maishani mwangu. Seigneur, Bwana, tiens-moi la main. Nishike mkono. Et encadre-moi. Na wewe ndo kaka. Par ton Saint-Esprit. De même que tu encadras David. Jinsi ulivyomwongoza Daudi. Tu as dit. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Encadre-moi de même. Encadre-moi Jésus, comme David, et qu'à la fin de ma vie, tu aies récolté comme tu as récolté chez David. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Troisième indicateur. Alama ya tatu. Vaillance. Ushujaa. Pour encadrer des vies kwa jili ya détruites ongoza maisha yaliyo haribika. Et leur transmettre na kuwapatia sa vaillance. Ushujaa wake. La vaillance de David ushujaa wa Daudi ne s'est pas limitée haukuishia à poser des actes de guerre. Kufanya vitendo vya vita. Mais sa vaillance est allée même au-delà. Lakini ushujaa wake ulienda hata mbali. Pour reproduire des vaillants. Kwa ajili ya kuwazaa, kuwaleta comme lui-même. Ushujaa kama yeye mwenyewe. Après qu'il ait été oint. Kisha yeye kupakaliwa. Il est rentré garder les troupeaux. Akarudi kuchunga kondo. Il a vécu les expériences derrière les troupeaux. Aliishi mambo makubwa nyuma ya kondo. Et puis il est allé au front. Na kisha kaenda kwenye shamba la mapigano. De manière imprévue. Kama vile haikutarajiwa. La vaillance était avec lui. Lakini ushujaa ulikuwa pamoja naye. La vaillance était quelque chose de lui-même. Ushujaa ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa ya yeye mwenyewe ilikuwa. Comme vous venez de l'avoir aussi dès maintenant. Kama vile mmekuwa naye kuanzia sasa. Si tu crois ça, tu dis eh bon amen. Kama unaamini hiyo sema amina nzuri. Est-ce que vous savez? Je mnajua? Que lorsque David apporte la nourriture à ses grands frères Eliab et les autres. Ya kwamba wakati Daudi anapelekea wakubwa zake chakula. Aucune idée. Alikuwa hajui. Qu'il y avait là-bas une opportunité. Ya kwamba huko kulikuwa fursa. Qui allait le propulser. Ambao ilikuwa itamuinua. Dans la nation. Ndani ya taifa. Aucune idée. Alikuwa hajui. Mais il vivait. Lakini aliishi. Le cœur de vaillance. Moyo wa ushujaa. Chaque jour. Kila siku. Dans toutes les opportunités. Il fonctionnait vaillant. Alikuwa natumika kabisa ushujaa. David Daudi n'était pas un calculateur. Hakukuwa mtu wa kuhesabu hesabu. Un vaillant calculateur. Ushujaa wa kuhesabu hesabu. Il était vrai. Alikuwa kweli. Il était lui-même. Alikuwa yeye mwenyewe. Mais il était vaillant. Lakini alikuwa shujaa. Et la vaillance était dans son cœur. Na ushujaa ulikuwa moyoni mwake. Quand il est dans la brousse. Anapokuwa il est vaillant. Ni shujaa. Quand il est au front. Anapokuwa kwenye il est vaillant. La mapigano, ni quand il est dans des difficultés. Anapokuwa ndani ya shida. Il est vaillant. Yeye ni shujaa. Il n'est pas vaillant. Haiko shujaa. De temps à temps. Mara kwa mara. La vaillance est dans son cœur en permanence. Ushujaa uko moyoni mwake kila wakati. Et la vaillance na ushujaa qui est en lui ulio ndani mwake repère les opportunités opérationnelles. Unaona ile ou les opportunités d'opération ama fursa za kutumikia ndani de ce qui est en lui ya ile iliyo ndani mwake. Et il agit promptement na anatumika kabisa kwa uangalifu hapo hapo promptement hapo hapo. Et c'est ça qui l'a propulsé. Na ni hiyo ndiyo ilimupandisha. David. Daudi. Ne se disait pas. Alikuwa ajiambie. Il pouvait dire à Saül. Ungepasha mwambia Saul. Ça c'est un géant. Hein? Oh, moi j'ai tué les lions dans la brousse là. Mais Simba, moi je ne connais pas ce genre de choses. Non. Apana. Ce qui est en moi, iliyo ndani mwangu, qui a tué le lion, c'est la même chose ni hiyo hiyo kitu, qui peut affronter toutes les situations. Unaweza kupambana na kila hali. Vous voyez l'avantage unaona faida de ce cœur de vaillant, ya hii moyo wa ushujaa, c'est que ni kwamba, ça vous rend tout terrain, ni kwamba inakufanya kwamba ça vous donne les opportunités d'opérer inakupatia fursa dans tous les terrains, ndani ya kila uwanja, au point que na hata, les succès vous poursuivent partout. Partout où vous passez. Les victoires vous poursuivent partout où vous passez. Parce que vous respirez ça. Il est écrit dans Actes chapitre 9 verset 1er. Saul, Saulo, qui est devenu Paul, respirant encore la menace. Alipokuwa angali na pumua kushambulia. Respirant encore la menace. Alipokuwa angali na pumua ile mateso. Se leva pour prendre des documents pour arrêter les chrétiens. Akasimama kwa kuchukua vikaratasi kwa kuwafunga wa Kristo. Nous pouvons dire. Tunaweza kusema. David. Daudi. Respirant la vaillance. Anapokuwa akipumua ushujaa. Apporta la nourriture au front. Akaleta chakula kwenye shamba la mapigano. Dites à ton voisin frère, respire la vaillance. Ambia jirani yako ndugu, pumua ushujaa. Dis-lui. Mwambie. Dis-lui. Mwambie. Dis-lui. Mwambie. Respire la vaillance. Pumua ushujaa. Est-ce qu'on respire de temps à temps? Je tunapumua mara kwa mara. Non. Apana. On respire en permanence. Tunapumua kila wakati. Donc, je serai vaillant en permanence. Nandivyo, quand je prépare mon examen, mon interview, je le prépare avec le cœur de vaillance. Quand je vais au travail, je vais avec un cœur de vaillance. Alléluia. Amen. Quand je vais dans la guerre, c'est avec cœur de vaillance. Quand je cherche du travail, c'est avec vaillance. Tout ce que je fais, avec vaillance. Nous avons lu David Daoudi réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Savez-vous que si vous vivez avec vaillance, vous êtes obligé de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Il réussissait et cela attire l'amour de la population. Les êtres humains aiment ceux qui réussissent. Il y a des frères ici. Kuna wandugu hapa. Il y a des frères. Hein? Kuna wandugu, Je peux voir les frères. Naweza kuona wandugu. Vous avez besoin, je vous dise quelque chose. Mnapenda niwaambie kitu. Vous m'autorisez. Mnaniruhusu. Les sœurs. Wadada. Aiment. Wanapendaka. Les frères qui réussissent. Wandugu ambao wanafaulu. Notez ça dans votre carnet. Muiandike ndani ya daftari yenu. Vous voyez comment les sœurs sont en train de sourire. Si ta vie est linéaire, si ta vie est échec après échec, ça demande beaucoup de foi à la fille d'autrui. Beaucoup de foi pour t'accepter. Arrêtez de torturer les enfants d'autrui. Niamine, crois-moi, tu vois, non, normalement. Attends. Crois. Ou si on existe Nico. Il faut me croire. Attends, si je dois te croire, tu n'es pas né aujourd'hui. Montre-moi les œuvres d'hier. Si tu n'as pas des œuvres maintenant que je vois, mais montre-moi au moins les œuvres d'hier. Frère, ce ne sont pas les œuvres de demain qui vont te justifier. C'est aussi les œuvres d'aujourd'hui. Oh, il faut croire à mon avenir. J'ai des grandes idées. Savez-vous qu'il y a des gens qui vieillissent avec des grandes idées? Depuis quand tu as cette idée? Quand j'avais 7 ans. Oh, kama nilipokuwa na miaka 7 ndipo nakuwa na wazo. Quel âge maintenant? 38 ans. Una miaka ngapi sasa? 38 ans. Depuis 7 ans jusqu'à 38 ans, l'idée n'a jamais pris corps. Hadi 38 ile wazo ile. L'idée n'a jamais pris corps. Haita vaa mwili ile wazo ile. Maintenant tu m'obliges moi de te croire. Na kisa unanisurutisha mimi ndimi nikuamini. Donc si moi je viens dans ta vie maintenant ton idée va prendre corps. Nikusema mimi nikikuja maishani mwako ndipo wazo. Qu'est-ce qui t'a manqué? Nitachukua mwili. Qu'est-ce qui t'a manqué? Le cœur de vaillant. C'est ce que tu manques. C'est ce que tu manques. Si toi tu as. On peut arrêter par là? Apana. Tu malises. Je dois finir. Tu malises. Il faut que les autres intervenants travaillent demain. Inomba wanenaji wengine wa. Bwana sifiwe. J'ai parlé de David. Niliongelea David. La vaillance pour encadrer des vies détruites. Ushujaa ndani. Dans 1 Samuel chapitre 22 verset 1-2. Il est écrit tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers de dettes, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Et ils se joignirent à lui environ 400 hommes. 400 hommes qui ont des dettes. Watu mia ina ambao wana madeni. Qui sont mécontents dans la vie. Watu ambao wafurahi maishani. Qui sont mal aimés dans leur famille. Ndani ya jamaa zao. Vous savez que parfois quand on a la dette, on fuit quoi. Si unajua wakati una deni, unakimbia. Sinon on va me mettre à munzenze. Kama sivyo watakufunga. Mais pourquoi tu n'as pas payé? Je n'ai pas réussi à payer. Sina pesa. 400 mécontents. Watu mia ina ambao walikuwa. Ils se joignent à un vaillant. Na wanaungana na shujaa. Qui est poursuivi. Ambaye anafuatiliwa. Par Saül le roi. Na Saul mfalme. Poursuivi par toute l'armée nationale. Anafuatiliwa na jeshi lote la taifa. Ils se joignent à lui. Wanaungana naye. Et David ne les a jamais pris pour dire boke. Mimi nishakuwa na mwe mkuu. Na Daudi hakuwa. Nataka enda fanya coup d'état. Akuambia je vais faire un coup d'état. Hapana. Jamais. Hapana. Qu'est-ce que tu fais de David? Unafanya nini nao Daudi? Je vais transmettre à eux. Nitatangaza ndani mwao. Mon cœur de vaillance. Nitawapatia moyo wangu wa ushujaa. Et David. Na Daudi. Dans cette poursuite-là, du roi Saül, il a fait environ 15 ans. Ndani ya kukimbia, il a kukimbia. Déjà été un roi. Mais il n'est pas toujours au pouvoir. Lakini, hata ingia et il a ses hommes avec lui. Na qu'est-ce qui t'empêche de monter faire un coup d'état? Ya kupanda na kuangusha madaraka iliyowepo. Ses réponses sont claires dans la parole. Majibu yake yako wazi ndani ya Je ne tendrai pas ma main à loin de l'Éternel. Anasema sitaweka mkono wangu kwa mpaka wa Bwana. J'ai tout le pouvoir de le faire. Nayo uwezo wote. J'ai toutes les capacités. Nayo mamlaka. J'ai une armée de 400 personnes. Ninakuwa na jeshi la watu. Que je suis en train de former. Ambao niko na wafundisha. Et l'ironie du sort. Na inayokuwa kushangaza. Un jour, siku moja, Dieu, Mungu amène le roi Saül anamleta mfalme Saulo dans la caverne d'Engedi. Ndani ya ile shimo ya Engedi. Là où David avec ses hommes était en train de se reposer. Mahali ambapo Daudi na watu wake walikuwa wanapumzika. Et le roi vient, il dort dans la caverne. Na mfalme anakuja analala ndani ya ile shimo. Les hommes de David disent. Watu wa Daudi wanamwambia. Mboka hii. Karibu kimboga kinachojileta. Mboka hii. Hii ndio mboga Mungu anamkuletea David. Pouvoir inajileta. Malizana naye. Extermine lui maintenant. Malizana saiji. Extermine lui maintenant. Show you. Il est là. Et ils lui disent. Na wanamwambia. Si tu ne vas pas toucher, laisse-nous. Kama wewe hautamkosa. Acha sisi tumshughulikie. Acha sisi tufanye. La vaillance n'est pas une folie. La vaillance divine est remplie d'éthique. Éthique. Usawa. Éthique. Dites éthique. Semeni usawa. Saül, Saulo. La Bible dit. Biblia nasema. David. Daudi. Pris son épée. Akachukua upanga wake. Ah. Il s'est dit non. Akasema hapana. Ce monsieur me poursuit depuis des années. Bwana ananifuatilia miaka nyingi. Mais c'est loin de l'Éternel. Lakini yeye ni mpakali wa Bwana. Je touche pas. Je vais juste prendre une preuve que Dieu l'a mis dans ma main. Que je ne suis pas comme lui qui cherche ma main. Et il coupa un morceau de son habit. Na akakata tu sehemu ya vasi lake. Et ils sont sortis, ils l'ont laissé là-dedans. Na wakatoka umo, wakamwacha umo ndani. Ils sont partis. Wakaenda. Dans une colline là-bas. Ndani ya kilima moja kule. Et le matin. Na asubuhi. David crie de oh, oh, oh. Daudi analamika. Et Saül s'est dit, eh, mais c'est le monsieur que je cherche. Na Saul anasema, si ni huyu bwana ninayetafuta. Ah, et ses hommes et ses troupes sont là. Na watu wake jeshi lake wako pale. Et David dit, oh roi, vis à jamais. Et mfalme uishi milele. Découvre un peu si c'est cet habit, si c'est... Gundua kidogo. Ça ressemble à... Est-ce que tu connais ça? Hii vazi inafanana na nani? Unaijua? Je crois que Saül essaie de bien voir, il se rend compte que... Na, ona Saul anangalia, eh. Oh. Qui m'a coupé la vie? Il dit, mais c'est ça que les gars... Qu'est-ce qui s'est passé? Nini mepitikana? Je crois que quelqu'un lui a dit, mais là où tu as passé la nuit là, c'est la maison de David. Tu es venu dormir chez David. Umekuja lala kwa Daudi. Et David lui dit, vois, Daudi roi, et encore aujourd'hui j'ai épargné ta vie. Ya kwamba tena leo nimelinda tu me poursuis pourquoi? Unanifuatilia sababu gani? C'est toi le roi. Si ni wewe ndiye mfalme. Je suis vaillant. Niko suja. Je pouvais t'égorger. Ningepasa kuchinja. Et prendre le pouvoir. Na kuchukua mamlaka. Mais mon heure pour prendre le pouvoir. Lakini wakati wangu wa kuchukua mamlaka. C'est Dieu qui détient ça. Ni Mungu ndiye iko nayo. C'est Dieu qui détient la date. Ni Mungu ndiye anajua. Je ne vais pas agenter le pas. Nasingepasa kutangulia. Je serai au pouvoir. Atua. Écoutez, écoutez ce que Saül répond à ce jeune. Sikiliza ile ambayo Saul anamwambia huyo. On acclame David. Tushangilie Daudi. Ah. Le roi dit, Mfalme akasema, je vois maintenant, ninaona sasa, que tu seras roi à coup sûr, ya kwamba utakuwa mfalme hakika, et que tu régneras sur ce peuple, na utatawala juu ya taifa hili. Et le roi Saül bénit David, na mfalme Saul akambariki Daudi. Et il prit la route et il partit, le laissa. Na akachukua njia akaenda na kamwacha. Vaillant. Shuja. Craignant Dieu. Anayemwogopa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais de cet homme qui fabrique des vaillants. Nilikuwa naongelea mtu ambaye anatengeneza washujaa. Regardez dans 2 Samuel 23. Angalia ndani ya Samueli wa pili 23. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. 2 Samuel 23. Samueli wa pili 23. Quand vous lirez à la maison à partir du verset 8, vous allez constater toutes ces choses qui sont là. Utaposoma nyumbani kuanzia shahidi la 8 utagundua mambo yote. Regardez verset 8. Angalia shahidi la 8. Les disciples du vaillant. Wafuasi wa shujaa. Les accomplissements du vaillant. Ile ambayo shujaa. La reproduction de David. Ile ambayo Daudi aliweza kuzika. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Angalia majina ya watu. On nous cite les premiers. Yoshebed Bashebet. Kwa kwanza ilikuwa Yoshebeti Bashebet. Il brandit sa lance sur 800 hommes. Akatupa mkuki wake juu ya watu. Il fit périr en une fois. Na wote akawamaliza kwa mara moja. Hii ni lance ya ai. Mkuki roho ni ya. Hii lance ya kiroho. Hii ni mkuki ya namna gani? Écoutez frère sœur. Sikiliza ndugu na dada. Lorsque tu es vaillant, wakati wewe ni shujaa, tu vas faire des choses, utafanya mambo, qui vont étonner, ambayo yatashangaza. Amen. Un deuxième monsieur, Eleazar. Mtu wa pili Eleazar. Verset 10. Mstari wa 10. Il se leva, akasimama, et frappa les Philistins, na akawapiga wa Philistins, jusqu'à ce que sa main, mpaka wakati filasse, et qu'elle resta attachée à son épée. Mkono wake ukabaki unaambatana na upanga wake. Crampe. Je sais pas si c'est crampe ou quoi. Il a tellement terminé les Philistins. Amewamaliza au point que il fallait l'aider pour lever la main. Baka iliomba kumsaidia ili kwamba mkono wake uweze gunduliwa. Il a massacré les Philistins. Amewaangamiza wa Filistini. Vous lirez ça. Mutaisom. Ce sont les disciples d'un cœur de vaillance. Maintenant, cette semaine, tu es en train de devenir vaillant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te limite pas ici, à être le seul vaillant. Kwa kubaki shujaa mmoja. Développe. Ukomalishi. Au lieu d'influencer tes amis, tes copines, tes collègues à des bassesses, bali pa kuwashawishi warafiki zako, influence-les à la vaillance. Kwa ushujaa. Dites amen si tu crois cela. Ema amina kama unayamini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième indicateur. Alama ya ine. David. Daudi. Vaillance pour diriger une petite nation. Ushujaa kwa kutawala hata taifa ndogo. Les deux tribus d'Israël, Juda. Alikuwa natawala. Vaillant roi de Juda. Dans 2 Samuel chapitre 2 verset 1 à 7. Il est écrit, les hommes de Juda vinrent et là, ils joignirent David pour roi. À partir du verset 6 à 7, écoutez ce que David dit. Et maintenant que l'Éternel use envers vous des bontés et des fidélités, moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Verset 7, maintenant, soulignez ça. Saba, mnaweza weka kistari chini ya hiyo. Je vous ai dit, les vaillants respirent la vaillance. Nimewaambia kwamba shujaa na regardez verset 7. Tazama David ile mstari wa 7. Daudi anasema, que vos mains soient fortes. Mikono yenu na itiwe nguvu. Se fortifie. Mikono yenu na iwe nguvu. Et il dit quoi? Soyez. Que vos mains soient fortifiées. Mikono yenu na itiwe nguvu. Mettez le verset 7 que tout le monde lit ça. Mweke shaili la il dit, kila mtu aisome. Soyez des vaillants. Mwe washujaa. Il vient de prendre le pouvoir. Amechukua mamlaka. Il dit à son peuple. Na nambia watu wake. Soyez des vaillants. Mkuwe washujaa. Arshwa et Arshwa. Wana member wa kanisa hili. Soyez des vaillants. Soyez des vaillants. Mwe wanaume shujaa, wanawake shujaa. Mimi sisikii hata amen. Je n'ai même pas écouté un amen. Regardez comment il explique. Sikia njisi anafasiria. Il dit car votre maître Saül est mort. Bwana wenu Saul amekufa. Et c'est moi na mimi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Ndiye nyumba autrement, ya vous savez de la chance. Comme maneno mengine. Mumepata mufalme mwenye iko vaillant. Vous avez eu un roi, vous avez un roi vaillant. Mini mukue ba vaillant. Maintenant vous aussi soyez vaillants. Sawa na roi wenu. Comme votre roi. Une église de vaillants. Kanisa ya washujaa. C'est ce dont le monde a besoin. Aujourd'hui. Ni ile ambayo ulimwengu unahitaji sasa. Maintenant, tourne la tête, regarde tous ceux qui sont autour de toi. Geuza kichwa chako na angalia voir qui sont devenus des vaillants. Commence à constater qui sont devenus des vaillants. Anza kuangalia kugundua kwamba wamekuwa des vaillants à choix. Washujaa wana memba ya Israeli. À choix. Est-ce que vous les avez vus? Je mmeona. Tu peux acclamer le Seigneur pour eux. Geuza shangilia Bwana kwa ajili yao. Pour eux, acclame le Seigneur pour eux. Shangilia Bwana kwa ajili yao. Ils sont devenus vaillants. Wamegeuka washujaa. Seigneur, donne-nous une église. Bwana tupe kanisa. Des vaillants. Ya washujaa. Alléluia. Ensuite, il devint cinquième indicateur. La vaillance comme roi sur tout Israël, 2 Samuel 5. Na ya tano ushujaa kama vile mfalme wa Israeli. Et le peuple au verset 2 reconnaît que c'était toi notre vaillant. nous venons te oindre notre roi. Na kwa shili la pili taifa linagundua kwamba yeye ndiye shujaa wao na wanakuja kumpaka mafuta kama mfalme. Sixième indicateur. Alama ya sita. La vaillance. Ushujaa. Pour bâtir le royaume d'Israël. Kwa kujenga ufalme wa Israeli. Jusqu'à David. Mpaka kwa Daudi. Israël était un royaume qui est pêle-mêle. Ilikuwa ni ufalme ambao hauongozwe vizuri. Saül est arrivé. Saul amefika. Il a régné. Et il a été dérouté pour utiliser l'essentiel de son temps pour chercher à tuer David. Mais avant Saül, le pays est dirigé par des juges jusqu'à Élie. Et donc, le pays n'est pas organisé. Quand Saül prend le pouvoir, il est distrait par des objectifs qui ne tiennent pas. Et c'est quand David prend le pouvoir qu'il crée la nation d'Israël. Alléluia. Amen. Il finit avec les Philistins. Anamalizana na Wafilistini. Il organise le pays. Anatengeneza inchi. Vous pouvez voir au chapitre 8, il finit les Philistins. Au chapitre 8, 15 à 18, il organise le pays. Et puis, au chapitre 6, David, il ramène l'arche de l'Alliance. Depuis que l'arche de l'Alliance avait été pillée, anamalizana na Wafilistini. Il ramène l'arche de l'Alliance à la cité. Anatengeneza inchi na kisha anarudisha sanduku la Il remet les choses à place. Anarudisha vitu et il remet Dieu à sa place. Na anarudisha Mungu kwa nafasi yake. Un vaillant qui ne remet pas Dieu à sa place. Ambaye arudishe Mungu kwa nafasi yake. Va bientôt devenir un agent de Satan. Hapa karibuni atakuwa mtumishi wa shetani. Vaillant oui. Shujaa ndio. Mais avec Dieu à sa place. Lakini pamoja na Mungu kwa Dieu à sa place dans le pays. Mungu kwa Dieu à sa place dans nos cœurs. Mungu kwa nafasi yake. Septième indicateur. Alama ya saba. Vaillance. Ushujaa. Pour faire des choses. Kwa ajili ya kufanya mambo. Qui dérange à outrance les cœurs de Dieu. Ambayo yanasumbua kabisa kwa provoke Dieu. Ambayo yanamchokoza Mungu. Alléluia. Amen. Quelle chose tu fais? Vaillant David, il décide de bâtir le temple pour Yahweh. 2 Samuel chapitre 7 verset 1er et suivant. Conséquence, Dieu dit, toi tu veux me construire une maison, moi je vais te construire une maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose, cet homme, il organise des offrandes dans le pays qui provoque Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 1 verset 1 à 12. Mambo ya siku ya pili moja hadi 12. Quand vous êtes vaillant, wakati wewe ni shujaa, ne soyez pas vaillant seulement pour gagner votre vie. Usikuwe shujaa kwa ajili ya kuweza tu maisha yako mwenyewe. Soyez vaillant aussi pour Dieu. Uwe shujaa pia kwa ajili ya Mungu. Un vaillant qui pose des actes. Shujaa ambaye ana quels sont les 7 indicateurs de la vaillance de David? Les voilà. Maintenant, quelles sont les leçons que nous tirons? 4 leçons fondamentales qui ont construit la vaillance de David. La première leçon, c'est que l'ennemi ne triomphe pas d'un homme ou une femme hawezi kushinda mwanaume ama mwanamke qui est en alliance avec Dieu, ambaye iko ndani ya agano pamoja na Mungu. Amen. Quand vous observez tous les agissements de David, unapoangalia matendo yote ya Daudi, à tous les points, kwa ngambo zote, sont toujours sous-bassés par Dieu, yote anakuwa na msingi wake, toujours appuyé par Dieu, yote anakuwa na saidiwa, toujours référé à Dieu. Yote anamtazamia Mungu. Première leçon. Somo la si je suis en alliance avec Dieu, kama niko ndani ya agano na Mungu, je n'échouerai rien. sitashindwa chochote. Matokeo, je peux me permettre d'oser des choses. Ninaweza kujiruhusu kupima mambo. Oser des choses. Kupima kufanya mambo. Je peux croire des choses. Naweza kuamini mambo. Je peux croire que je peux le faire. Naweza kuamini ya kwamba naweza kuifanya. Avec mon Dieu. Pamoja na Mungu wangu. Vous lirez dans le psaume 18. Utasoma ndani ya Zaburi 18. Où David est en train de faire un poème. Ambapo de ses expériences de vaillant. Il dit, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Il dit, avec mon Dieu, je saute une muraille. Et puis il dit, je ne reviens pas avant d'avoir exterminé mes ennemis. Comment tu fais, David? Si tu es en alliance avec Dieu, tu n'échoueras pas. Acclame le Seigneur. Première leçon. Somo la kwanza. C'est avec cette leçon ni pamoja na que David a osé devant les lions, l'ours. Il a osé devant Goliath. Il a osé avec les Philistins. En fait, tout ce qu'il a fait. Deuxième leçon. Somo la pili. Quand on est appelé wakati umeitwa à de grandes choses kwa mambo makubwa avec Dieu pamoja na Mungu, on ne s'embarrasse pas des petites choses. Haujisumbuake na mambo madogo madogo. Cette leçon somo hili a encadré la vaillance de David. Iliongoza ushujaa wa David. C'est-à-dire, ni kusema, je suis déjà oint roi. Nimeshapakaliwa mafuta kama mfalme. Ce n'est pas difficile de devenir roi ou de prendre le pouvoir. Si vigumu, le Dieu qui m'a oint roi va me déposer au trône de la nation. Ataniweka kwenye kiti cha enzi. Alors, je ne vais pas me compromettre dans des petites raccourci pour tuer Saül dans la caverne ou organiser un coup d'état. Non. Ça, ce sont des petites choses. Je suis appelé à de grandes choses. Les vaillants ne se font pas distraire par des petites choses. Ils ont les regards fixés sur l'objectif. Lengo. Et ils restent na wanabaki dans les principes qui les encadrent. Ndani ya kanuni jusqu'à ce que mpaka wakati ils laissent des accomplissements glorieux. Troisième conseil. Matimizi, utukufu. La confiance somo la tatu dans l'engagement de Dieu envers lui. Kutumainia kujitolea kwa Mungu. David vaillant Daudi shujaa a confiance à l'engagement de Dieu est engagé envers moi. Vous avez retenu ça. Dieu, tu es engagé envers moi. Alors, je peux me lancer devant Goliath. Je peux me lancer devant les lions. Dieu a des engagements envers moi. Je n'ai pas peur. Sina woga. Je suis en paix. Nina amani. Les engagements de Dieu envers moi mana kujitolea kwa Mungu mbele vont m'accompagner kutanisindikiza dans mon initiative. Dani ya vyote nitakavyovifanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la vie, ndio maana maishani, évitez de vous faire rouler muache ku par les gens qui essaient de vous terroriser. Et actuellement, il y a des terrorismes spirituels. Na leo kuna kuwa kuogopeshwa kiroho. Quelquefois par des prophéties, par des révélations. Mara kupitia unabi, ufunuo. Attends. Ngoja. Si Dieu a des engagements avec moi. Kama Mungu anakuwa na vitu amejitolea kuvifanya. Et que le diable veut créer un truc contre moi. Na kwamba shetani anatafuta kuunda kitu. Où est-ce que je mets les engagements de Dieu envers moi? Ninaweka wapi ile ambayo Mungu amejitolea kufanya kwangu? Dieu a des engagements avec moi. Il est écrit, ne permettra pas que ton pied ne heurte contre une pierre. Merci Seigneur pour tes engagements avec moi. Alors comme tu as des engagements avec moi, je vais être vaillant dans les études. Je vais être vaillant dans la créativité. Je vais être vaillant dans l'entrepreneuriat. Je vais être vaillant dans la profession. Je vais être vaillant dans la politique. politique. Je vais être vaillant pour gouverner. Je vais être vaillant pour servir Dieu. Je vais être vaillant pour gagner les âmes. Je vais être vaillant pour sortir. Vaillant pour sortir sur la rue et attraper les âmes et les amener dans le royaume de Dieu. Dieu est avec moi. Comme Dieu a des engagements avec moi, je peux même aller prêcher à ces féticheurs. Les engagements. Ça, c'est quatrième conseil. Quatrième leçon. Quatrième et dernière leçon pour aujourd'hui. Somo la ine na la mwisho kwa leo. Un bon fils, ce sont les choses ni vitu ambavyo qui constituent le système de fonctionnement de David. Ambavyo vinaunda c'est ça les éléments de sa vaillance. Hii ndio mambo inayoleta ushujaa wake. Daudi a compris qu'un bon fils ou une bonne fille de Dieu binti mzuri wa Mungu rêve grand pour son Dieu ou pour son père. Anafikiria makubwa kwa ajili ya Mungu wake ama kwa ajili ya baba yake. Un bon fils, mwana mzuri, il rêve grand. Anafikiria makubwa pour son Dieu. Kwa ajili ya Mungu wake. C'est ce qui l'a conduit. Na hiyo ndio alielewa. À considérer que un être humain ne va pas malmener le peuple de Dieu comme ça. Et moi je suis là. Je ne peux pas tolérer ça. Le nom de mon Dieu doit rester haut. Il descend Goliath. Je vous assure, même si Goliath esquivait, premièrement, David avait encore quatre pierres dedans. Il allait prendre la deuxième. Mais je suis sûr que même si Goliath voyait la pierre venir et faisait ça, le Dieu qui a des engagements avec David allait virer la pierre jusque dans le fond. Il est engagé. C'est ce grand rêve des choses de Dieu qui conduit David à rêver construire un temple pour son Dieu. C'est ce grand rêve de David qui conduit David à faire de grandes offrandes. Quelqu'un se lève ce soir et nous voulons prier. Alléluia. On acclame le Seigneur pendant que nous nous levons. Nous nous levons devant Dieu. Nous nous levons devant Dieu. On acclame très bien le Seigneur. Dieu est en train de faire de toi un vaillant. Un vaillant héros. Vaillant héros. Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Gédéon? La vaillance était dedans. Gédéon n'avait encore rien fait dans la vie, mais la vaillance était dedans. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez-moi, frères et sœurs. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Je vais prier avec toi rapidement. Et puis tous on va prier. Lève la main là où tu es. Je vais prier avec toi. Merci mon frère. En fait, ces affaires ici sont possibles lorsque tu as Jésus dans ton cœur. Jésus est le premier vaillant de l'univers. Il quitta le ciel pour venir sauver l'humanité. Ça demande de la vaillance pour prétendre que tu peux aller sauver l'humanité. Lève la main et tu vas prier avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Nous avons les yeux baissés, nous prions. Dites, Seigneur mon Dieu. Lève bien les mains. Seigneur, Buana, je viens à toi et je te donne ma vie. Ce soir, j'ai compris que j'ai un avenir. de victoire et d'accomplissement. Mais je ne saurais pas si tu ne me sauvais pas encore. Ce soir, sauve-moi. Et toi, le vaillant de l'univers, introduis dans mon cœur les arts de vaillance à partir d'aujourd'hui. Je te suivrai. Je renonce au péché, je renonce au monde et je veux marcher avec toi pour accomplir toutes tes volontés prévues sur le chemin de ma destinée. Nous levons les mains tous et nous prions. Prie avec moi, dit Seigneur, je voudrais être comme David. Kama Daudi. Dis-le toi-même. Dis-le Uiseme toi-même. Je veux être comme David. Nahitaji niwe kama Daudi. Dis-le toi-même. Dis-le. Je voudrais être comme David. Je voudrais que ma vie compte. Je voudrais que ma vie yangu yawe na thamani. Je voudrais que ma vie, maisha yangu, si jusqu'à présent il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ma vie n'a pas laissé grand chose. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que ma vie compte. Je voudrais que ma vie produise. Parle au Seigneur. Quelqu'un crie à Dieu, je voudrais que ma vie produise, Seigneur. Quelqu'un prie. Kuna mtu anaomba. Ikaba shente dala kore bashaya. Deka yabo santole razika. Ma vie doit compter. Mon parcours sur la terre doit compter. Jeti maisha yangu duniani yawe na thamani. Ma vie doit compter. Jeti maisha yangu yawe na thamani. Karabashite kala. Akabashete la base. Rebochete rebalaka saka. Quelqu'un prie comme un vaillant. Quelqu'un prie comme un vaillant.